Section 45 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 14e. Ce livre a été écrit à Paris en août et septembre 1830. Flagornerie des journaux. Les premiers collègues de M. de Polignac. Expédition d'Alger. Ouverture de la session de 1830. Adresse. La chambre est dissoute. Nouvelle chambre. Je pars pour Dieppe. Ordonnance du 25 juillet. Je reviens à Paris. Réflexion pendant ma route. Lettre à Madame Récamier. Révolution de juillet. Monsieur Baude, Monsieur de Choiseul, Monsieur de Sémonville, Monsieur de Vitrolles, Monsieur Lafitte et Monsieur Thiers. J'écris au roi à Saint-Cloud. Sa réponse verbale. Corps aristocratique. Pillage de la maison des missionnaires, rue d'Enfer. Chambre des députés. Monsieur de Mortemar. Course dans Paris. Le général Dubourg. Cérémonie funèbre. Sous la colonnade du Louvre. Les jeunes gens me rapportent à la chambre des pères. Réunion des pères. Quand les hirondelles approchent du moment de leur départ, il y en a une qui s'envole la première pour annoncer le passage prochain des autres. J'étais la première aile qui devançait le dernier vol de la légitimité. Les éloges dont m'accablaient les journaux me charmaient-ils? Pas le moins du monde. Quelques-uns de mes amis croyaient me consoler en m'assurant que j'étais au moment de devenir premier ministre, que ce coup de parti joué si franchement décidait de mon avenir. Ils me supposaient de l'ambition dont je n'avais pas même le germe. Je ne comprends pas qu'un homme qui a vécu seulement 8 jours avec moi ne se soit pas aperçu de mon manque total de cette passion, au reste fort légitime, laquelle fait qu'on pousse jusqu'au bout la carrière politique. Je guettais toujours l'occasion de me retirer. Si j'étais tant passionné pour l'ambassade de Rome, c'est précisément parce qu'elle ne menait à rien et qu'elle était une retraite dans une impasse. Enfin, j'avais au fond de la conscience une certaine crainte d'avoir déjà poussé trop loin l'opposition. J'en allais forcément devenir le lien, le centre et le point de mire. J'en étais effrayé, et cette frayeur augmentait les regrets du tranquille abri que j'avais perdu. Quoi qu'il en soit, on brûlait force en sang devant l'idole de bois descendue de son autel. M. de Lamartine, nouvelle et brillante illustration de la France, m'écrivait au sujet de sa candidature à l'Académie et terminait ainsi sa lettre. Monsieur de Lanoue, qui vient de passer quelques moments chez moi, m'a dit qu'il vous avait laissé occupant vos nobles loisirs à élever un monument à la France. Chacune de vos disgrâces volontaires et courageuses apportera ainsi son tribut d'estime à votre nom et de gloire à votre pays. Cette noble lettre de l'auteur des méditations poétiques fut suivie de celle de Monsieur de Lacretelle. Il m'écrivait à son tour quel moment ils choisissent pour vous outrager, vous l'homme des sacrifices, vous à qui les belles actions ne coûtent pas plus que les beaux ouvrages. Votre démission et la formation du nouveau ministère m'avaient paru d'avance deux événements liés. Vous nous avez familiarisés aux actes de dévouement, comme Bonaparte nous familiarisait avec la victoire. Mais il avait, lui, beaucoup de compagnons, et vous ne comptez pas beaucoup d'imitateurs. Deux hommes fort lettrés et écrivains d'un grand mérite, M. Abel Rémusat et M. Saint-Martin, avaient seuls alors la faiblesse de s'élever contre moi. Ils étaient attachés à M. le baron de Damas. Je conçois qu'on soit un peu irrité contre ces gens qui méprisent les places. Ce sont là de ces insolences qu'on ne doit pas tolérer. M. Guizot lui-même daigna visiter ma demeure. Il crut pouvoir franchir l'immense distance que la nature a mise entre nous. En m'abordant, il me dit ces paroles pleines de tout ce qu'il se devait. « Monsieur, c'est bien différent aujourd'hui. » Dans cette année 1829, M. Guizot eut besoin de moi pour son élection. J'écrivis aux électeurs de Lisieux, il fut nommé. M. de Breuil m'en remercia par ce billet. « Permettez-moi de vous remercier, monsieur, de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser. J'en ai fait l'usage que j'en devais faire, et je suis convaincu que, comme tout ce qui vient de vous, elle portera ses fruits et des fruits salutaires. Pour ma part, j'en suis aussi reconnaissant que s'il s'agissait de moi-même, car il n'est aucun événement auquel je sois plus identifié et qui m'inspire un plus vif intérêt. Les journées de juillet ayant trouvé M. Guizot député, il en est résulté que je suis devenu en partie la cause de son élévation politique. La prière de l'humble est quelquefois écoutée du ciel. Les premiers collègues de M. de Polignac furent messieurs de Bourmont, de la Bourdonnais, de Chabrol, Courvoisier et Montbel. Le 17 juin 1815 étant à Gand et descendant de chez le roi, je rencontrai au bas de l'escalier un homme en redingote et en bottes crottées qui montait chez sa majesté. À sa physionomie spirituelle, à son nez fin, à ses beaux yeux doux de couleuvre, je reconnus le général Bourmont. Il avait déserté l'armée de Bonaparte le 15. Le comte de Bourmont est un officier de mérite, habile à se tirer des pas difficiles. Mais un de ces hommes qui, mis en première ligne, voient les obstacles et ne les peuvent vaincre, fait qu'ils sont pour être conduits, non pour conduire. Heureux dans ses fils, Alger lui laissera un nom. Le comte de la Bourdonnais, jadis mon ami, est bien le plus mauvais coucheur qui fut oncle. Il vous lâche des ruades sitôt que vous approchez de lui. Il attaque les orateurs à la chambre comme ses voisins à la campagne. Il chicane sur une parole comme il fait un procès pour un fossé. Le matin même du jour où je fus nommé ministre des Affaires étrangères, il vint me déclarer qu'il rompait avec moi. J'étais ministre. Je ris et je laissai aller ma mégère masculine qui, riant elle-même, avait l'air d'une chauve-souris contrariée. M. de Montbel, ministre d'abord de l'instruction publique, remplaça M. de la Bourdonnais à l'intérieur quand celui-ci se fut retiré, et M. de Guernon-Ranville suppléa M. de Montbel à l'instruction publique. Des deux côtés, on se préparait à la guerre. Le parti du ministère faisait paraître des brochures ironiques contre le représentatif. L'opposition s'organisait et parlait de refuser l'impôt en cas de violation de la charte. Il se forma une association publique pour résister au pouvoir appelée l'Association Bretonne. Mes compatriotes ont souvent pris l'initiative dans nos dernières révolutions. Il y a dans les têtes bretonnes quelque chose du vent qui tourmente les rivages de notre péninsule. Un journal composé dans le but avoué de renverser l'ancienne dynastie vint échauffer les esprits. Le jeune et beau libraire Sautelet, poursuivi de la manie du suicide, avait eu plusieurs fois l'envie de rendre sa mort utile à son parti par quelques coups d'éclat. Il était chargé du matériel de la feuille républicaine. Messieurs Thiers, Mignet et Carrel en étaient les rédacteurs. Le patron du National, M. le prince de Talleyrand, n'apportait pas un sou à la caisse. Il souillait seulement l'esprit du journal en versant au fond commun son contingent de trahison et de pourriture. Je reçus à cette occasion le billet suivant de M. Thiers. Monsieur, ne sachant si le service d'un journal qui débute sera exactement fait, je vous adresse le premier numéro du National. Tous mes collaborateurs s'unissent à moi pour vous prier de vouloir bien vous considérer non comme souscripteur, mais comme notre lecteur bénévole. Si dans ce premier article, objet de grands soucis pour moi, j'ai réussi à exprimer des opinions que vous approuviez, je serai rassuré et certain de me trouver dans une bonne voie. Recevez, monsieur, mes hommages à Thiers. Je reviendrai sur les rédacteurs du National. Je dirai comment je les ai connus. Mais dès à présent, je dois mettre à part M. Carrel. Supérieur à messieurs Thiers et Mignet, il avait la simplicité de se regarder à l'époque où je me liais avec lui comme venant après les écrivains qu'il devançait. Il soutenait, avec son épée, les opinions que ces gens de plume dégainaient. Pendant qu'on se disposait au combat, les préparatifs de l'expédition d'Alger s'achevaient. Le général Bourmont, ministre de la guerre, s'était fait nommer chef de cette expédition. Voulut-il se soustraire à la responsabilité du coup d'État qu'il sentait venir? Cela serait assez probable, d'après ses antécédents et sa finesse. Mais ce fut un malheur pour Charles X. Si le général s'était trouvé à Paris lors de la catastrophe, le portefeuille vacant du ministère de la guerre ne serait pas tombé aux mains de M. de Polignac. Avant de frapper le coup dans le cas où il y eut consenti, M. de Bourmont eut sans doute rassemblé à Paris toute la garde royale. Il aurait préparé l'argent et les vivres nécessaires pour que le soldat ne manquât de rien. Notre marine, ressuscitée au combat de Navarin, sortit de ses ports de France, naguère si abandonnée. La rade était couverte de navires qui saluaient la terre en s'éloignant. Des bateaux à vapeur, nouvelle découverte du génie de l'homme, allaient et venaient, portant des ordres d'une division à l'autre, comme des sirènes ou comme les aides-de-camp de l'amiral. Le dauphin se tenait sur le rivage où toutes les populations de la ville et des montagnes étaient descendues, lui qui, après avoir arraché son parent, le roi d'Espagne, aux mains des révolutions, voyait se lever le jour par qui la chrétienté devait être délivrée, aurait-il pu se croire si près de sa nuit? Il n'était plus ces temps où Catherine de Médicis sollicitait du Turc l'investiture de la principauté d'Alger pour Henri III, nous encore roi de Pologne. Alger allait devenir notre fille et notre conquête, sans la permission de personne, sans que l'Angleterre osât nous empêcher de prendre ce château de l'empereur, qui rappelait Charles Quint et le changement de sa fortune. C'était une grande joie et un grand bonheur pour les spectateurs français assemblés de saluer, du salut de Bossuet, les généraux vaisseaux prêts à rompre de leur proue la chaîne des esclaves. Victoire agrandie par ce cri de l'aigle de Meaux, lorsqu'il annonçait le succès de l'avenir au grand roi, comme pour le consoler un jour dans sa tombe de la dispersion de sa race. « Tu céderas ou tu tomberas sous ce vainqueur, Alger, riche des dépouilles de la chrétienté. Tu disais en ton cœur avare, « Je tiens la mer sous mes lois, et les nations sont ma proie. » La légèreté de tes vaisseaux te donnait de la confiance, mais tu te verras attaqué dans tes murailles comme un oiseau ravissant qu'on irait chercher parmi ses rochers et dans son nid où il partage son butin à ses petits. Tu rends déjà tes esclaves. Louis a brisé les fers dont tu accablais ses sujets, qui sont nés pour être libres sous son glorieux empire. Les pilotes étonnés s'écrient par avance « Qui est semblable à Tyr ?» et toutefois, elle s'est tue dans le milieu de la mer. Parole magnifique, n'avez-vous pu retarder l'écroulement du trône ? Les nations marchent à leur destinée. À l'instar de certaines ombres du Dante, il aurait impossible de s'arrêter même dans le bonheur. Ces vaisseaux qui apportaient la liberté aux mers de la Numidie emportaient la légitimité. Cette flotte sous pavillon blanc, c'était la monarchie qui appareillait, s'éloignant des ports où s'embarqua Saint-Louis, lorsque la mort l'appelait à Carthage. Esclaves délivrés des bagnes d'Alger, ceux qui vous ont rendus à votre pays ont perdu leur patrie. Ceux qui vous ont arrachés à l'exil éternel sont exilés. Le maître de cette vaste flotte a traversé la mer sur une barque, en fugitif, et la France pourra lui dire ce que Cornélie disait à Pompée. « C'est bien une œuvre de ma fortune, non pas de la tienne, que je te vois maintenant réduit à une seule pauvre petite nave, là où tu voulois cingler avec 500 voiles. » Parmi cette foule qui, au rivage de Toulon, suivait des yeux la flotte partant pour l'Afrique, n'avais-je pas des amis? Monsieur Duplessis, frère de mon beau-frère, ne recevait-il pas à son bord une femme charmante, Madame Lenormand, qui attendait le retour de l'ami de Champollion? Qu'est-il résulté de ce vol exécuté en Afrique à tire d'aile? Écoutons Monsieur de Panoën, mon compatriote. 2 mois ne s'étaient pas écoulés depuis que nous avions vu ce même pavillon flotter en face de ces mêmes rivages, au-dessus de 500 navires. 60 000 hommes étaient alors impatients de l'aller déployer sur le champ de bataille de l'Afrique. Aujourd'hui, quelques malades, quelques blessés se traînant péniblement sur le pont de notre frégate étaient son unique cortège. Au moment où la garde prit les armes pour saluer comme de coutume le pavillon à son ascension ou à sa chute, toute conversation cessa sur le pont. Je me découvris avec autant de respect que j'eusse pu le faire devant le vieux roi lui-même. Je m'agenouillai au fond du cœur devant la majesté des grandes infortunes dont je contemplais tristement le symbole. La session de 1830 s'ouvrit le 2 mars. Le discours du trône faisait dire au roi « Si de coupables manœuvres suscitent à mon gouvernement des obstacles que je ne peux pas, que je ne veux pas prévoir, je trouverai la force de les surmonter. » Charles X prononça ces mots du ton d'un homme qui, habituellement timide et doux, se trouve par hasard en colère, s'anime au son de sa voix. Plus les paroles étaient fortes, plus la faiblesse des résolutions apparaissait derrière. L'adresse en réponse fut rédigée par messieurs Étienne et Guizot. Elle disait « Sire, la charte consacre comme un droit l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention fait du concours permanent des vues de votre gouvernement avec les vœux du peuple la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. » L'adresse fut votée à la majorité de 221 voix contre 181. Un amendement de M. de Lorgeril faisait disparaître la phrase sur le refus du concours. Cet amendement n'obtint que 28 suffrages. Si les 221 avaient pu prévoir le résultat de leur vote, l'adresse eût été rejetée à une immense majorité. Pourquoi la Providence ne lève-t-elle pas quelquefois un coin du voile qui couvre l'avenir ? Elle en donne, il est vrai, un pressentiment à certains hommes, mais ils n'y voient pas assez clair pour bien s'assurer de la route. Ils craignent de s'abuser, ou, s'ils s'aventurent dans des prédictions qui s'accomplissent, on ne les croit pas. Dieu n'écarte point la nuée du fond de laquelle il agit. Quand il permet de grands maux, c'est qu'il a de grands desseins. Desseins étendus dans un plan général, déroulés dans un profond horizon, hors de la portée de notre vue et de l'atteinte de nos générations rapides. Le roi, en réponse à l'adresse, déclara que sa résolution était immuable, c'est-à-dire qu'il ne renverrait pas M. de Polignac. La dissolution de la Chambre fut résolue. Messieurs de Perronnet et de Chantelose remplacèrent messieurs de Chabrol et Courvoisier, qui se retirèrent. M. Capel fut nommé ministre du Commerce. On avait autour de soi 20 hommes capables d'être ministres. On pouvait faire revenir M. de Villèle. On pouvait prendre M. Casimir Perrier et le général Sébastiani. J'avais déjà proposé ceci au roi lorsque, après la chute de M. de Villèle, l'abbé Frayssinous fut chargé de m'offrir le ministère de l'Instruction publique. Mais non, on avait horreur des gens capables. Dans l'ardeur qu'on ressentait pour la nullité, on chercha, comme pour humilier la France, ce qu'elle avait de plus petit, afin de le mettre à sa tête. On avait déterré M. Guernon de Ranville, qui pourtant se trouva le plus courageux de la bande ignorée, et le dauphin avait supplié M. de Chantelose de sauver la monarchie. L'ordonnance de dissolution convoqua les collèges d'arrondissement pour le 23 juin 1830 et les collèges de département pour le 3 de juillet, 27 jours seulement avant l'arrêt de mort de la branche aînée. Les partis fort animés poussaient tout à l'extrême. Les ultra-royalistes parlaient de donner la dictature à la couronne. Les républicains songeaient à une république avec un directoire ou sous une convention. La Tribune, journal de ce parti, parut et dépassa le National. La grande majorité du pays voulait encore la royauté légitime, mais avec des concessions et l'affranchissement des influences de cour. Toutes les ambitions étaient éveillées et chacun espérait devenir ministre. Les orages font éclore les insectes. Ceux qui voulaient forcer Charles X à devenir monarque constitutionnel pensaient avoir raison. Ils croyaient des racines profondes à la légitimité. Ils avaient oublié la faiblesse de l'homme. La royauté pouvait être pressée, le roi ne le pouvait pas. L'individu nous a perdus, non l'institution. Les députés de la nouvelle chambre étaient arrivés à Paris. Sur les 221, 202 avaient été réélus. L'opposition comptait 270 voix, le ministère 145. La partie de la couronne était donc perdue. Le résultat naturel était la retraite du ministère. Charles X s'obstina à tout braver et le coup d'État fut résolu. Je partis pour Dieppe le 26 juillet à 4 heures du matin, le jour même où parurent les ordonnances. J'étais assez gai, tout charmé d'aller revoir la mer, et j'étais suivi à quelques heures de distance par un effroyable orage. Je soupais et je couchais à Rouen, sans rien apprendre, regrettant de ne pouvoir aller visiter Saint-Ouen et m'agenouiller devant la Belle Vierge du musée, en mémoire de Raphaël et de Rome. J'arrivai le lendemain 27 à Dieppe vers midi. Je descendis dans l'hôtel où M. le comte de Boissy, mon ancien secrétaire de légation, m'avait arrêté un logement. Je m'habillai et j'allai chercher Mme Récamier. Elle occupait un appartement dont les fenêtres s'ouvraient sur la grève. J'y passai quelques heures à causer et à regarder les flots. Voici tout à coup venir Hyacinthe. Il m'apporte une lettre que M. de Boissy avait reçue et qui annonçait les ordonnances avec de grands éloges. Un moment après, entre mon ancien ami Ballanche. Il descendait de la diligence et tenait en main les journaux. J'ouvris le moniteur et je lus sans en croire mes yeux les pièces officielles. Encore un gouvernement qui, de propos délibérés, se jetait du haut des tours de Notre-Dame. Je dis à Hyacinthe de demander des chevaux afin de repartir pour Paris. Je remontai en voiture vers 7 heures du soir, laissant mes amis dans l'anxiété. On avait bien, depuis un mois, murmuré quelque chose d'un coup d'État, mais personne n'avait fait attention à ce bruit, qui semblait absurde. Charles X avait vécu des illusions du trône. Il se forme autour des princes une espèce de mirage qui les abuse, en déplaçant l'objet et en leur faisant voir dans le ciel des paysages chimériques. J'emportai le moniteur. Aussitôt qu'il fit jour, le 28, je lus, relus et commentai les ordonnances. Le rapport au roi servant de prolégomène me frappait de deux manières. Les observations sur les inconvénients de la presse étaient justes, mais en même temps, l'auteur de ces observations montrait une ignorance complète de l'état de la société actuelle. Sans doute les ministres depuis 1814, à quelque opinion qu'ils aient appartenu, ont été harcelés par les journaux. Sans doute la presse tend à subjuguer la souveraineté, à forcer la royauté et les chambres à lui obéir. Sans doute, dans les derniers jours de la Restauration, la presse, n'écoutant que sa passion, a sans égard aux intérêts et à l'honneur de la France, attaqué l'expédition d'Alger, développé les causes, les moyens, les préparatifs, les chances d'un non-succès. Elle a divulgué les secrets de l'armement, instruit l'ennemi de l'état de nos forces, compté nos troupes et nos vaisseaux, indiqué jusqu'au point de débarquement. Le cardinal de Richelieu et Bonaparte auraient-ils mis l'Europe au pied de la France si l'on eût révélé ainsi d'avance le mystère de leurs négociations ou marqué les étapes de leurs armées? Tout cela est vrai et odieux, mais le remède. La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde. C'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. Il faut apprendre à vous en servir en la dépouillant de son danger. Soit qu'elle s'affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l'humanité. Une preuve de l'impuissance de la presse, dans certains cas, se tire du reproche même que vous lui faites à l'égard de l'expédition d'Alger. Vous l'avez pris, Alger, malgré la liberté de la presse, de même que j'ai fait faire la guerre d'Espagne en 1823 sous le feu le plus ardent de cette liberté. Mais ce qui n'est pas tolérable dans le rapport des ministres, c'est cette prétention effrontée, savoir que le roi a un pouvoir préexistant aux lois. Que signifient alors les constitutions? Pourquoi tromper les peuples par des simulacres de garantie si le monarque peut à son gré changer l'ordre du gouvernement établi? Et toutefois, les signataires du rapport sont si persuadés de ce qu'ils disent qu'à peine citent-ils l'article 14, au profit duquel j'avais depuis longtemps annoncé que l'on confisquerait la charte. Ils le rappellent, mais seulement pour mémoire et comme une superfétation de droit dont ils n'avaient pas besoin. La première ordonnance établit la suppression de la liberté de la presse dans ses diverses parties. C'est la quintessence de tout ce qui s'était élaboré depuis 15 ans dans le cabinet noir de la police. La seconde ordonnance refait la loi d'élection. Ainsi, les deux premières libertés, la liberté de la presse et la liberté électorale, étaient radicalement extirpées. Elles l'étaient, non par un acte inique et cependant légal, émané d'une puissance législative corrompue, mais par des ordonnances, comme au temps du bon plaisir. Et 5 hommes, qui ne manquaient pas de bon sens, se précipitaient avec une légèreté sans exemple, eux, leurs maîtres, la monarchie, la France et l'Europe, dans un gouffre. J'ignorais ce qui se passait à Paris. Je désirais qu'une résistance, sans renverser le trône, eût obligé la couronne à renvoyer les ministres et à retirer les ordonnances. Dans le cas où celles-ci eussent triomphé, j'étais résolu à ne pas m'y soumettre, à écrire, à parler contre ces mesures inconstitutionnelles. Si les membres du corps diplomatique n'influèrent pas directement sur les ordonnances, ils les favorisèrent de leurs vœux. L'Europe absolue avait notre charte en horreur. Lorsque la nouvelle des ordonnances arriva à Berlin et à Vienne, et que pendant 24 heures, on crut au succès, M. Ancillon s'écria que l'Europe était sauvée, et M. de Metternich témoigna une joie indicible. Bientôt ayant appris la vérité, ce dernier fut aussi consterné qu'il l'avait été ravi. Il déclara qu'il s'était trompé, que l'opinion était décidément libérale, il s'accoutumait déjà à l'idée d'une constitution autrichienne. Les nominations de conseillers d'État qui suivent les ordonnances de juillet jettent quelques jours sur les personnes qui, dans les antichambres, ont pu, par leurs avis ou par leur rédaction, prêter aide aux ordonnances. on y remarque les noms des hommes les plus opposés au système représentatif. Est-ce dans le cabinet même du roi, sous les yeux du monarque, qu'ont été libellés ces documents funestes? Est-ce dans le cabinet de M. de Polignac? Est-ce dans une réunion de ministres seuls ou assistés de quelques bonnes têtes anticonstitutionnelles? Est-ce sous les plombs, dans quelques séances secrètes des 10, qu'ont été minutés ces arrêts de juillet, en vertu desquels la monarchie légitime a été condamnée à être étranglée sur le pont des Soupirs? L'idée était-elle de M. de Polignac seul? C'est ce que l'histoire ne vous révélera peut-être jamais. Arrivé à Gisors, j'appris le soulèvement de Paris, et j'entendis des propos alarmants. Ils prouvaient à quel point la charte avait été prise au sérieux par les populations de la France. À Pontoise, on avait des nouvelles plus récentes encore, mais confuses et contradictoires. À Herblay, point de chevaux à la poste, j'attendis près d'une heure. On me conseilla d'éviter Saint-Denis parce que je trouverais des barricades. À Courbevoie, le postillon avait déjà quitté sa veste à boutons fleurdelysés. On avait tiré le matin sur une calèche qu'il conduisait à Paris par l'avenue des Champs-Élysées. En conséquence, il me dit qu'il ne me mènerait pas par cette avenue et qu'il irait chercher à droite de la barrière de l'Étoile, la barrière du Trocadéro. De cette barrière, on découvre Paris. J'aperçus le drapeau tricolore flottant. Je jugeai qu'il ne s'agissait pas d'une émeute, mais d'une révolution. J'eus le pressentiment que mon rôle allait changer, qu'étant accouru pour défendre les libertés publiques, je serais obligé de défendre la royauté. Il s'élevait çà et là des nuages de fumée blanche parmi des groupes de maisons. J'entendis quelques coups de canon et des feux de mousqueterie mêlés au bourdonnement du tocsin. Il me sembla que je voyais tomber le vieux Louvre du haut du plateau désert destiné par Napoléon à l'emplacement du palais du roi de Rome. Le lieu de l'observation offrait une de ces consolations philosophiques qu'une ruine apporte à une autre ruine. Ma voiture descendit la rampe, je traversai le pont d'Iéna et je remontai l'avenue pavée qui longe le Champ de Mars. Tout était solitaire, je trouvai un piquet de cavalerie placé devant la grille de l'école militaire. Les hommes avaient l'air tristes et comme oubliés là. Nous prîmes le boulevard des Invalides et le boulevard du Montparnasse. Je rencontrai quelques passants qui regardaient avec surprise une voiture conduite en poste comme dans un temps ordinaire. Le boulevard d'Enfer était barré par des ormeaux abattus. Dans ma rue, mes voisins me virent arriver avec plaisir. Je leur semblais une protection pour le quartier. Madame de Chateaubriand était à la fois bien aise et alarmée de mon retour. Le jeudi matin 29 juillet, j'écrivis à Madame Récamier à Dieppe cette lettre prolongée par des post-scriptum. Jeudi matin 29 juillet 1830. Je vous écris sans savoir si ma lettre vous arrivera, car les courriers ne partent plus. Je suis entré dans Paris au milieu de la canonnade, de la fusillade et du tocsin. Ce matin, le tocsin sonne encore, mais je n'entends plus les coups de fusil. Il paraît qu'on s'organise et que la résistance continuera tant que les ordonnances ne seront pas rappelées. Voilà le résultat immédiat, sans parler du résultat définitif, du parjure dont les ministres ont donné le tort, du moins apparent, à la couronne. La garde nationale, l'école polytechnique, tout s'en est mêlé. Je n'ai encore vu personne. Vous jugez dans quel état j'ai trouvé Madame de Chateaubriand. Les personnes qui, comme elle, ont vu le 10 août et le 2 septembre, sont restées sous l'impression de la terreur. Un régiment, le 5e de ligne, a déjà passé du côté de la charte. Certainement, M. de Polignac est bien coupable. Son incapacité est une mauvaise excuse. L'ambition dont on n'a pas les talents est un crime. On dit la cour à Saint-Cloud est prête à partir. Je ne vous parle pas de moi. Ma position est pénible, mais claire. Je ne trahirai pas plus le roi que la charte, pas plus le pouvoir légitime que la liberté. Je n'ai donc rien à dire et à faire. Attendre et pleurer sur mon pays. Dieu sait maintenant ce qui va arriver dans les provinces. On parle déjà de l'insurrection de Rouen. D'un autre côté, la congrégation armera les Chouans et la Vendée. À quoi tiennent les empires? Une ordonnance et 6 ministres sans génie ou sans vertu suffisent pour faire du pays le plus tranquille et le plus florissant, le pays le plus troublé et le plus malheureux. Midi. Le feu recommence. Il paraît qu'on attaque le Louvre, où les troupes du roi se sont retranchées. Le faubourg que j'habite commence à s'insurger. On parle d'un gouvernement provisoire dont les chefs seraient le général Gérard, le duc de Choiseul et M. de Lafayette. Il est probable que cette lettre ne partira pas, Paris étant déclaré en état de siège. C'est le maréchal Marmont qui commande pour le roi. On le dit tué, mais je ne le crois pas. Tâchez de ne pas trop vous inquiéter, Dieu vous protège, nous nous retrouverons. Vendredi. Cette lettre était écrite d'hier, elle n'a pu partir. Tout est fini, la victoire populaire est complète. Le roi cède sur tous les points, mais j'ai peur qu'on aille maintenant bien au-delà des concessions de la couronne. J'écris ce matin à Sa Majesté. Au surplus, j'ai pour mon avenir un plan complet de sacrifice qui me plaît. Nous en causerons quand vous serez arrivés. Je vais moi-même mettre cette lettre à la poste et parcourir Paris. Révolution de juillet, journée du 26. Les ordonnances datées du 25 juillet furent insérées dans le Moniteur du 26. Le secret en avait été si profondément gardé que ni le maréchal duc de Raguse, major général de la garde de service, ni M. Mangin, préfet de police, ne furent mis dans la confidence. Le préfet de la Seine ne connut les ordonnances que par le Moniteur, de même que le sous-secrétaire d'État de la guerre. Et néanmoins, c'étaient ces divers chefs qui disposaient des différentes forces armées. Le prince de Polignac, chargé par intérim du portefeuille de M. de Bourmont, était si loin de s'occuper de cette minime affaire des ordonnances qu'il passa la journée du 26 à présider une adjudication au ministère de la guerre. Le roi partit pour la chasse le 26. Avant que le Moniteur fût arrivé à Saint-Cloud, il ne revint de Rambouillet qu'à minuit. Enfin, le duc de Raguse reçut ce billet de M. de Polignac. « Votre Excellence a connaissance des mesures extraordinaires que le roi, dans sa sagesse et son sentiment d'amour pour son peuple, a jugé nécessaire de prendre pour le maintien des droits de sa couronne et de l'ordre public. Dans ces importantes circonstances, Sa Majesté compte sur votre zèle pour assurer l'ordre et la tranquillité dans toute l'étendue de votre commandement. Cette audace des hommes les plus faibles qui furent jamais, contre cette force qui allait broyer un empire, ne s'explique que par une sorte d'hallucination, résultant d'une misérable coterie que l'on ne trouva plus au moment du danger. Les rédacteurs des journaux, après avoir consulté messieurs Dupin, Odilon Barreau, Barthes et Mérilou, se résolurent de publier leurs feuilles sans autorisation, afin de se faire saisir et de plaider l'illégalité des ordonnances. Ils se réunirent au bureau du National. M. Thiers rédigea une protestation qui fut signée de 44 rédacteurs et qui parut le 27 au matin dans le National et le Temps. À la chute du jour, quelques députés se réunirent chez M. de Laborde. On convint de se retrouver le lendemain chez M. Casimir Perrier. Là parut pour la première fois un des trois pouvoirs qui allait occuper la Seine. La monarchie était à la Chambre des députés, l'usurpation au Palais-Royal, la République à l'Hôtel de Ville. Dans la soirée, il se forma des rassemblements au Palais-Royal. On jeta des pierres à la voiture de M. de Polignac. Le duc de Raguse ayant vu le roi à Saint-Cloud, à son retour de Rambouillet, le roi lui demanda des nouvelles de Paris. « La rente est tombée. »« De combien ?» dit le dauphin. « De 3 francs, » répondit le maréchal. « Elle remontera, » répartit le dauphin, et chacun s'en alla. Journée du 27 juillet. La journée du 27 commença mal. Le roi investit du commandement de Paris le duc de Raguse. C'était s'appuyer sur la mauvaise fortune. Le maréchal se vint installer à 1 heure à l'état-major de la garde, place du Carrousel. M. Mangin envoya saisir les presses du National. M. Carrel résista. M. Mignet et Thiers, croyant la partie perdue, disparurent pendant 2 jours. M. Thiers alla se cacher dans la vallée de Montmorency chez une madame de Courchamp, parente des 2 messieurs Becquet, dont l'un a travaillé au National et l'autre au Journal des débats. Autant, la chose prit un caractère plus sérieux. Le véritable héros des journalistes est incontestablement M. Coste. En 1823, M. Coste dirigeait les tablettes historiques. Accusé par ses collaborateurs d'avoir vendu ce journal, il se battit et reçut un coup d'épée. M. Coste me fut présenté au ministère des Affaires étrangères. En causant avec lui de la liberté de la presse, je lui dis « Monsieur, vous savez combien j'aime et respecte cette liberté. Mais comment voulez-vous que je la défende auprès de Louis XVIII quand vous attaquez tous les jours la royauté et la religion ? Je vous supplie dans votre intérêt et pour me laisser ma force entière de ne plus saper des remparts aux 3/4 démolis et qu'en vérité, un homme de courage devrait rougir d'attaquer. Faisons un marché. Ne vous en prenez plus à quelque vieillard faible que le trône et le sanctuaire protègent à peine. Je vous livre en échange ma personne. Attaquez-moi soir et matin. Dites de moi tout ce que vous voudrez. Jamais je ne me plaindrai. Je vous saurai gré de votre attaque légitime et constitutionnelle contre le ministre, en mettant à l'écart le roi. Monsieur Coste m'a conservé de cette entrevue un souvenir d'estime. Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau du Temps entre M. Baude et un commissaire de police. Le procureur du roi de Paris décerna 44 mandats d'amener contre les signataires de la protestation des journalistes. Vers 2 heures, la fraction monarchique de la Révolution se réunit chez M. Perrier, comme on en était convenu la veille. On ne conclut rien. Les députés s'ajournèrent au lendemain 28 chez M. Audry de Puyraveau. M. Casimir Perrier, homme d'ordre et de richesse, ne voulait pas tomber dans les mains populaires. Il ne cessait de nourrir encore l'espoir d'un arrangement avec la royauté légitime. Il dit vivement à M. de Chonen : « Vous nous perdez en sortant de la légalité, vous nous faites quitter une position superbe. » Cet esprit de légalité était partout. Il se montra dans 2 réunions opposées, l'une chez M. Cadet Gassicourt, l'autre chez le général Gourgaud. M. Perrier appartenait à cette classe bourgeoise qui s'était faite héritière du peuple et du soldat. Il avait du courage, de la fixité dans les idées. Il se jeta bravement en travers du torrent révolutionnaire pour le barrer. Mais sa santé préoccupait trop sa vie et il soignait trop sa fortune. « Que voulez-vous faire d'un homme, me disait M. Decazes, qui regarde toujours sa langue dans une glace ?» La foule augmentant et commençant à paraître en armes, l'officier de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Raguse qu'il n'avait pas assez de monde et qu'il craignait d'être forcé. Alors le maréchal fit ses dispositions militaires. Le 27, il était déjà 4h30 du soir lorsqu'on reçut dans les casernes l'ordre de prendre les armes. La gendarmerie de Paris, appuyée de quelques détachements de la garde, essaya de rétablir la circulation dans les rues Richelieu et Saint-Honoré. Un de ces détachements fut assailli dans la rue du Duc de Bordeaux, d'une grêle de pierres. Le chef de ce détachement évitait de tirer lorsqu'un coup parti de l'hôtel royal rue des Pyramides décida la question. Il se trouva qu'un monsieur Folks, habitant de cet hôtel, s'était armé de son fusil de chasse et avait fait feu sur la garde à travers sa fenêtre. Les soldats répondirent par une décharge sur la maison et monsieur Folks tomba mort avec ses 2 domestiques. Ainsi ces Anglais, qui vivent à l'abri dans leur île, vont porter les révolutions chez les autres. Vous les trouvez mêlés dans les 4 parties du monde à des querelles qui ne les regardent pas. Pour vendre une pièce de calicot, peu leur importe de plonger une nation dans toutes les calamités. Quel droit ce monsieur Folks avait-il de tirer sur des soldats français? Était-ce la constitution de la Grande-Bretagne que Charles X avait violée? Si quelque chose pouvait flétrir les combats de juillet, ce serait d'avoir été engagé par la balle d'un Anglais. Ces premiers combats, qui dans la journée du 27 n'avaient guère commencé que vers les 5 heures du soir, cessèrent avec le jour. Les armuriers cédèrent leurs armes à la foule, les réverbères furent brisés ou restèrent sans être allumés. Le drapeau tricolore se hissa dans les ténèbres au haut des tours de Notre-Dame. L'envahissement des corps de garde, la prise de l'arsenal et des poudrières, le désarmement des fusiliers sédentaires, tout cela s'opéra sans opposition au lever du jour le 28 et tout était fini à 8 heures. Le parti démocratique et prolétaire de la Révolution, en blouse ou demi-nu, était sous les armes. Il ne ménageait pas sa misère et ses lambeaux. Le peuple, représenté par des électeurs qu'il s'était choisis dans divers attroupements, était parvenu à faire convoquer une assemblée chez M. Cadet Gassicourt. Le parti de l'usurpation ne se montrait pas encore. Son chef, caché hors de Paris, ne savait s'il irait à Saint-Cloud ou au palais royal. Le parti bourgeois ou de la monarchie, les députés, délibéraient et répugnaient à se laisser entraîner au mouvement. M. de Polignac se rendit à Saint-Cloud et fit signer au roi le 28 à 5 heures du matin l'ordonnance qui mettait Paris en état de siège. Journée militaire du 28 juillet. Les groupes s'étaient reformés le 28, plus nombreux. Au cri de « Vive la charte !» qui se faisait encore entendre, se mêlait déjà le cri de « Vive la liberté !»« À bas les Bourbons !» On criait aussi « Vive l'empereur !»« Vive le prince noir !» mystérieux prince des ténèbres qui apparaît à l'imagination populaire dans toutes les révolutions. Les souvenirs et les passions étaient descendus. On abattait et l'on brûlait les armes de France, on les attachait à la corde des lanternes cassées, on arrachait les plaques fleurdelysées des conducteurs de diligence et des facteurs de la poste. Les notaires retiraient leurs panonceaux, les huissiers leurs rouelles, les voituriers leurs estampilles, les fournisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert les aigles napoléoniennes peintes à l'huile, de lys bourboniens détrempés à la colle, n'eurent besoin que d'une éponge pour nettoyer leur loyauté. Avec un peu d'eau, on efface aujourd'hui la reconnaissance et les empires. Le maréchal de Raguse écrivit au roi qu'il était urgent de prendre des moyens de pacification et que demain 29 il serait trop tard. Un envoyé du préfet de police était venu demander au maréchal s'il était vrai que Paris fût déclaré en état de siège. Le maréchal, qui n'en savait rien, parut étonné. Il courut chez le président du conseil. Il y trouva les ministres assemblés et M. de Polignac lui remit l'ordonnance. Parce que l'homme qui avait foulé le monde aux pieds avait mis des villes et des provinces en état de siège, Charles X avait cru pouvoir l'imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu'ils allaient venir s'établir à l'état-major de la garde. Aucun ordre n'étant arrivé à Saint-Cloud à 9 heures du matin, le 28, lorsqu'il n'était plus temps de tout garder, mais de tout reprendre, le maréchal fit sortir des casernes les troupes qui s'étaient déjà en partie montrées la veille. On n'avait pris aucune précaution pour faire arriver des vivres au Carrousel, quartier général. La manutention qu'on avait oublié de faire suffisamment garder fut enlevée. Monsieur le duc de Raguse, homme d'esprit et de mérite, brave soldat, savant, mais malheureux général, prouva pour la millième fois qu'un génie militaire est insuffisant aux troubles civils. Le premier officier de police eut mieux su ce qu'il y avait à faire que le maréchal. Peut-être aussi son intelligence fut-elle paralysée par ses souvenirs. Il resta comme étouffé sous le poids de la fatalité de son nom. Le maréchal, qui n'avait qu'une poignée d'hommes, conçut un plan pour l'exécution duquel il lui aurait fallu 30 000 soldats. Des colonnes étaient désignées pour de grandes distances, tandis qu'une autre s'emparait de l'hôtel de ville. Les troupes, après avoir achevé leur mouvement pour faire régner l'ordre de toutes parts, devaient converger à la maison commune. Le Carrousel demeurait le quartier général. Les ordres en sortaient et les renseignements y aboutissaient. Un bataillon de Suisses, pivotant sur le marché des innocents, était chargé d'entretenir la communication entre les forces du centre et celles qui circulaient à la circonférence. Les soldats de la caserne Popincourt s'apprêtaient par différents rameaux à descendre sur les points où ils pouvaient être appelés. Le général Latour Maubourg était logé aux Invalides. Quand il vit l'affaire mal engagée, il proposa de recevoir les régiments dans l'édifice de Louis XIV. Il assurait qu'il les pouvait nourrir et défiait les Parisiens de le forcer. Il n'avait pas impunément laissé ses membres sur les champs de bataille de l'Empire, et le redoute de Borodino savait qu'il tenait parole. Mais qu'importait l'expérience et le courage d'un vétéran mutilé, on n'écouta point ses conseils. Sous le commandement du comte de Saint-Chamond, la première colonne de la garde partit de la Madeleine pour suivre les boulevards jusqu'à la Bastille. Dès les premiers pas, un peloton que commandait M. Salat fut attaqué. L'officier royaliste repoussa vivement l'attaque. À mesure qu'on avançait, les postes de communication laissés sur la route, trop faibles et trop éloignés les uns des autres, étaient coupés par le peuple et séparés les uns des autres par des abattis d'arbres et des barricades. Il y eut une affaire sanglante aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. M. de Saint-Chamond, passant sur le théâtre des exploits futurs de Fieschi, rencontra à la place de la Bastille des groupes nombreux de femmes et d'hommes. Il les invita à se disperser en leur distribuant quelque argent, mais on ne cessait de tirer des maisons environnantes. Il fut obligé de renoncer à rejoindre l'hôtel de ville par la rue Saint-Antoine, et après avoir traversé le pont d'Austerlitz, il regagna le Carrousel le long des boulevards du Sud. Turenne, devant la Bastille non encore démolie, avait été plus heureux pour la mère de Louis XIV enfant. La colonne chargée d'occuper l'hôtel de ville suivit les quais des Tuileries, du Louvre et de l'École, passa la moitié du Pont-Neuf, prit le quai de l'Horloge, le marché aux fleurs, et se porta à la place de Grève par le pont Notre-Dame. Deux pelotons de la garde firent une diversion en filant jusqu'au nouveau pont suspendu. Un bataillon du 15e léger appuyait la garde et devait laisser deux pelotons sur le marché aux fleurs. On se battit au passage de la Seine sur le pont Notre-Dame. Le peuple, tambour en tête, aborda bravement la garde. L'officier qui commandait l'artillerie royale fit observer à la masse populaire qu'elle s'exposait inutilement et que, n'ayant pas de canon, elle serait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s'obstina. L'artillerie fit feu. Les soldats inondèrent les quais et la place de Grève où débouchèrent par le pont d'Arcole deux autres pelotons de la garde. Ils avaient été obligés de forcer des rassemblements d'étudiants du faubourg Saint-Jacques. L'hôtel de ville fut occupé. Une barricade s'élevait à l'entrée de la rue du Mouton. Une brigade de Suisses emporta cette barricade. Le peuple, se ruant des rues adjacentes, reprit son retranchement avec de grands cris. La barricade resta finalement à la garde. Dans tous ces quartiers pauvres et populaires, on combattit instantanément sans arrière-pensée. L'étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous. La gloire a pour notre nation la légèreté du vin de champagne. Les femmes aux croisées encourageaient les hommes dans la rue. Des billets promettaient le bâton de maréchal au premier colonel qui passerait au peuple. Des groupes marchaient au son d'un violon. C'étaient des scènes tragiques et bouffonnes, des spectacles de tréteaux et de triomphes. On entendait des éclats de rire et des jurements au milieu des coups de fusil, du sourd mugissement de la foule, à travers des masses de fumée. Pieds nus, bonnets de police en tête, des charretiers improvisés conduisaient avec un laissez-passer de chefs inconnus des convois de blessés parmi les combattants qui se séparaient. Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Les gardes nationaux, ayant repris les uniformes dont on les avait dépouillés, se rassemblaient en grand nombre à la mairie du premier arrondissement pour maintenir l'ordre. Dans ces combats, la garde souffrait plus que le peuple, parce qu'elle était exposée au feu des ennemis invisibles qui étaient dans les maisons. D'autres nommeront les vaillants des salons qui, reconnaissant des officiers de la garde, s'amusaient à les abattre, en sûreté qu'ils étaient derrière un volet ou une cheminée. Dans la rue, l'animosité de l'homme de peine ou du soldat n'allait pas au-delà du coup porté. Blessés, on se secourait mutuellement. Le peuple sauva plusieurs victimes. Deux officiers, M. de Goyon et M. Rivaud, après une défense héroïque, durent la vie à la générosité des vainqueurs. Un capitaine de la garde, Coman, reçoit un coup de barre de fer sur la tête. Étourdi et les yeux sanglants, il relève avec son épée les baïonnettes de ses soldats qui mettaient en joue l'ouvrier. La garde était remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs officiers perdirent la vie, entre autres le lieutenant Noirot, d'une bravoure extraordinaire, qui avait reçu du prince Eugène la croix de la Légion d'honneur en 1813 pour un fait d'armes accompli dans une des redoutes de Caldiera. Le colonel de Plainselve, blessé mortellement à la porte Saint-Martin, avait été aux guerres de l'Empire, en Hollande, en Espagne, à la Grande Armée et dans la garde impériale. À la bataille de Leipzig, il fit prisonnier de sa propre main le général autrichien Merfeld. Porté par ses soldats à l'hôpital du Gros Caillou, il ne voulait être pansé que le dernier des blessés de juillet. Le docteur Larrey, qu'il avait rencontré sur d'autres champs de bataille, lui amputa la cuisse. Il était trop tard pour le sauver. Heureux ces nobles adversaires qui avaient vu tant de boulets passer sur leur tête, s'ils ne succombèrent pas sous la balle de quelques-uns de ces forçats libérés que la justice a retrouvés depuis la victoire dans les rangs des vainqueurs. Ces galériens n'ont pu polluer le triomphe national républicain. Ils n'ont été nuisibles qu'à la royauté de Louis-Philippe. Ainsi s'abîmèrent obscurément dans les rues de Paris les restes de ces soldats fameux, échappés aux canons de la Moscova, de Lutzen et de Leipzig. Nous massacrions sous Charles X ces braves que nous avions tant admirés sous Napoléon. Il ne leur manquait qu'un homme. Cet homme avait disparu à Sainte-Hélène. Au tomber de la nuit, un sous-officier déguisé vint apporter l'ordre aux troupes de l'hôtel de ville de se replier sur les Tuileries. La retraite était rendue hasardeuse à cause des blessés que l'on ne voulait pas abandonner et de l'artillerie difficile à passer à travers les barricades. Elle s'opéra cependant sans accident. Lorsque les troupes revinrent des différents quartiers de Paris, elles croyaient le roi et le dauphin arrivés de leur côté comme elles. Cherchant en vain des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l'horloge, elles firent entendre le langage énergique des camps. Il n'est pas vrai, comme on le voit, que l'hôtel de ville ait été pris par la garde sur le peuple et repris sur la garde par le peuple. Quand la garde y entra, elle n'éprouva aucune résistance car il n'y avait personne. Le préfet même était parti. Ces ventances affaiblissent et font mettre en doute les vrais périls. La garde fut mal engagée dans des rues tortueuses. La ligne, par son espèce de neutralité d'abord, et ensuite par sa défection, acheva le mal que des dispositions belles en théorie, mais peu exécutables en pratique, avaient commencé. Le 50e de ligne était arrivé pendant le combat à l'hôtel de ville. Harassé de fatigue, on se hâta de le retirer dans l'enceinte de l'hôtel, et il prêta à des camarades épuisés ses entières et inutiles cartouches. Le bataillon suisse, resté au marché des Innocents, fut dégagé par un autre bataillon suisse. Ils vinrent l'un et l'autre aboutir au quai de l'école et stationnèrent dans le Louvre. Au reste, les barricades sont des retranchements qui appartiennent au génie parisien. On les retrouve dans tous nos troubles depuis Charles V jusqu'à nos jours. Le peuple, voyant ses forces disposées par les rues, dit l'Estoile, commença à s'émouvoir et se firent les barricades en la manière que tous savent. Plusieurs Suisses furent tués qui furent enterrés en une fosse faite au parvis de Notre-Dame. Le duc de Guise, passant par les rues, s'estoit à qui crierait le plus haut « Vive Guise !» Et lui, baissant son grand chapeau, leur dicte « Mes amis, c'est assez. Messieurs, c'est trop. Criez « Vive le roi !» Pourquoi nos dernières barricades, dont le résultat a été puissant, gagnent-elles si peu à être racontées, tandis que les barricades de 1588, qui ne produisirent presque rien, sont si intéressantes à lire? Cela tient à la différence des siècles et des personnages. Le XVIe siècle menait tout devant lui. Le XIXe a laissé tout derrière. Monsieur de Puyraveau n'est pas encore le Balafré. Fin de la section 45.